L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. La sonde Cassini nous a encore réservé de bien belles images avant de quitter définitivement le monde des lunes de Saturne. Il s'agit ici de Titan. Cassini vient de mettre en évidence de grosses variations atmosphériques saisonnières et l'apparition d'un énorme vortex au pôle sud du plus gros satellite de Saturne. Le solstice d'été approche pour l'hémisphère nord de Titan et c'est donc l'hiver du côté du sud. Les nouvelles observations de la sonde Cassini révèlent une inversion complète des phénomènes atmosphériques entre les deux hémisphères de Titan. C'est un puissant vortex qui apparaît aujourd'hui au-dessus du pôle sud, assez similaire à celui qui avait pu être observé en 2004 à son pôle nord. Athéna Koustenis de l'Observatoire de Paris a présenté ses nouveaux résultats lors de la 48e réunion de la division planétologie de l'American Astronomical Society qui se tient cette semaine en Californie. Cassini a survolé Titan de très nombreuses fois depuis son arrivée en orbite de Saturne et a ainsi pu suivre sur la durée l'évolution de l'atmosphère titanesque selon les saisons. Cassini était arrivé à la moitié de l'hiver boréal et a depuis suivi deux saisons entières. Depuis l'équinoxe de 2009, les planétologues exploitant les observations de Cassini ont observé des changements rapides dans l'atmosphère de Titan. La circulation de chaleur d'un pôle à l'autre, qui donne lieu à des mouvements intenses de gaz chaud et froid dans un sens et dans l'autre, s'est ainsi inversée juste après l'équinoxe. Et les hémisphères de Titan ont évolué différemment à ces changements saisonniers. Les effets de l'hiver ont conduit à une baisse de température de près de 40 degrés Celsius dans la stratosphère polaire australe depuis les 4 dernières années, alors que le réchauffement au nord était moins brutal, avec une stabilité durant le printemps suivie d'une élévation de seulement 6 degrés depuis 2014. Dans les mois qui ont suivi l'équinoxe, le vortex stratosphérique au-dessus du pôle sud a grossi de plus en plus, alors que le vortex du pôle nord avait quasi disparu dès 2011. Par ailleurs, les chercheurs ont pu voir, grâce aux données spectrométriques de Cassini, que des gaz rares s'accumulaient à l'intérieur du vortex polaire du pôle sud en l'absence de lumière ultraviolette. Parmi ces gaz, on trouve des hydrocarbures et des nitriles complexes, comme le méthylacétylène et le benzène, qui avaient été détectés jusqu'alors seulement dans les hautes altitudes boréales de Titan. Athéna Koustenis précise « Nous avons eu de la chance de pouvoir voir l'arrivée de l'hiver et suivre l'augmentation de la production de ces gaz dans l'hémisphère sud. Nous cherchons maintenant de nouvelles molécules au-dessus du pôle sud de Titan, des molécules qui ont été prédites par nos modèles numériques. Si nous les observons, cela nous aidera à comprendre encore mieux la photochimie qui a lieu dans l'atmosphère de Titan. » Les 13 années de mission de Cassini auront permis de couvrir presque la moitié d'une année titanesque et auront fourni aux spécialistes une profonde compréhension de l'atmosphère de Titan et de ses variabilités saisonnières. Cassini doit maintenant effectuer son avant-dernier survol de Titan, le 124e, le 13 novembre prochain, pour observer cette fois-ci les mers de son pôle nord, avant de dire adieu au satellite saturnien emblématique pour un dernier survol prévu le 29 novembre. Allez, restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr. Ça se passe là-haut, le blog, rappelons-le, où l'univers de Titan et donc de Saturne se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission toujours sur iTunes, ainsi que sur podcloud.fr et sur Stitcher. Allez, d'ici la prochaine, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut !